Je vois le genre. Votre femme et vos gosses vous rendent dingue. Il vous faut un petit truc pour vous déstresser, avec un paquet de monstres à désinguer, je présume. Et on faisait une petite partie d'échecs. On dirait une sorte de jeu bizarroïde, tu as vu ? Qu'est-ce qu'il y a d'écrit ? Un jeu pour tous ceux qui espèrent laisser derrière eux leur univers ? Oh, c'est super cool ! C'est peut-être un jeu underground qui l'a développé. Drôle de jeu où pour gagner, il ne faut pas jouer. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Ludologie. Avant de commencer ce podcast, j'ai le plaisir de vous annoncer une grande nouvelle qu'on a discutée sur notre podcast de rentrée, que je vous invite évidemment à écouter, parce que vous allez pouvoir soutenir Ludologie et plus précisément soutenir l'association qui porte Ludologie, qui s'appelle Studio Dilettante. Alors pour rappel, le principe de Studio Dilettante, ça va être d'accompagner à la production et à la diffusion de podcasts, plutôt dans le sens de la vulgarisation. Donc Ludologie est le premier podcast, puisque c'est simple. Les animateurs et animatrices de Ludologie sont les fondateurs et fondatrices de Studio Dilettante. Et donc voilà, on a créé cette association justement pour lancer un financement participatif, un système de soutien régulier. Et ça se passe donc sur Tipeee, T-I-P-E-E-E, 3 E. Donc c'est une plateforme française qui vous permet donc de soutenir tous les mois, de donner 1 euro, le prix d'un café, d'un demi, que sais-je, par mois pour nous aider tout simplement à faire ce podcast. Alors quand on dit faire ce podcast, c'est simple, c'est tout simplement déjà renouveler notre matériel qui est vieillissant, assurer des bons micros, des bons câbles pour que vous puissiez avoir un confort d'écoute maximum, et puis une fois qu'on aura racheté donc ce matériel là, on pourra commencer à financer d'autres choses, comme par exemple un prestataire pour la diffusion, puisque actuellement nous sommes sur SoundCloud, mais pour d'autres projets ça pourrait être intéressant de passer à autre chose, etc. Tout le détail, toutes les informations sont sur le Tipeee, et je vous donne tout de suite l'adresse. Donc c'est Tipeee, tipeee.com/studio-dilettante, donc du nom de l'association des animateurs et animatrices de Ludologie. Et sur ce, c'est reparti quand même. On continue à faire ce podcast. Comme toutes les deux semaines, on se retrouve pour parler de jeux de société, de jeux de rôle, de jeux vidéo. On essaie d'être transverse. Et aujourd'hui, je suis avec Fanny qui va nous présenter le sujet et notre invité du jour. Bonjour à tous et à toutes. Et donc aujourd'hui, on va donc parler de jeux, un petit peu plus de jeux vidéo quand même. Et on va évoquer en fait les plantes et le jeu. Les plantes, c'est quand même un élément important de pas mal de jeux vidéo. Quand j'ai préparé l'épisode, j'ai un peu galéré. Puis au final, on se rend compte que les plantes, ça peut être des adversaires. Ça peut être des alliés, c'est souvent des éléments de paysage, hein. C'est constitutif à ce niveau-là, mais c'est aussi des éléments de quête. Ça peut être du soin, ça peut être du poison, ça peut être... En fait, au final, quand on commence à lister tout ce que ça peut représenter, ça fait un paquet de choses. Et du coup, pour parler de ça, on a invité Xavier, qui est botaniste. Et Xavier, je vais commencer par une première question, qui sera de te demander en fait, de te présenter, si c'est possible. Alors oui, bien sûr. Bonjour à tous. Oui, donc je m'appelle Xavier Aubriot et je suis botaniste, donc maître de conférence à l'Université d'Orsay. Alors, je suis vraiment botaniste. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment botaniste ? C'est-à-dire que je m'intéresse aux plantes elles-mêmes et à la diversité du monde végétal. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais ce que je fais surtout, c'est décrire des espèces nouvelles qui ne sont pas connues, ou en tout cas qui sont connues souvent par les populations locales, que ce soit en Afrique ou en Asie tropicale, puisque finalement c'est là qu'il y a les espèces nouvelles. Et c'est m'intéresser à l'histoire de ces espèces. Donc ça, souvent, je l'aborde en extrayant l'ADN, en comparant l'ADN des plantes, etc. Donc l'histoire des espèces dans le temps et dans l'espace. Donc moi, je suis un enfant des muséums, entre guillemets, puisque j'ai fait ma thèse au muséum de Paris. J'ai travaillé ensuite au muséum de Londres. Donc maintenant, j'habite Rennes, donc tout en travaillant à Orsay. Et donc moi, ma passion, c'est le monde végétal. Mais cette passion du monde végétal, c'est quelque chose que j'ai acquis au fur et à mesure de mon parcours universitaire, mais aussi de mon parcours personnel. Donc finalement, si je suis arrivé au monde végétal, c'est par la littérature et en partie par les jeux. Donc, si vous en... Alors, pourquoi en partie par les jeux ? Alors, je ne sais pas, est-ce que vous connaissez, est-ce que tu connais les clés d'identification de plantes ou pas ? Est-ce que tu en as déjà utilisé ? Alors, je crois. Parce que, alors, il fut un temps, petite anecdote, il fut un temps, je travaillais avec des élèves en paysagisme. Et on avait fait une sorte de Pokémon Go avant l'heure en détournant Google Maps. Et c'était un jeu de reconnaissance de plantes. Ils devaient trouver les plantes dans leur collège. Voilà. S'ils m'écoutent, mais voilà. Bonjour mes élèves, mes anciens élèves. Et donc il y avait de mémoire. Alors, après, c'était eux les experts, c'est ce que je leur disais. Il y a l'écorce, il y a le feuillage, comment c'est nervuré, je crois. Le bourgeon. Et je crois qu'il y en a d'autres. Je sais plus. Il y a Fanny qui me fait des signes. Voilà. Donc est-ce que voilà déjà peut-être peux-tu me corriger ? Non, c'est tout à fait vrai. Ça c'est les caractères pour reconnaître les plantes. Et ça c'est intéressant parce qu'en effet c'est ça qu'on voit quand on essaie d'identifier une plante. On regarde des caractères. Mais alors là où en fait le jeu intervient en partie, c'est qu'il y a des règles. Pour reconnaître grosso modo ces caractères, il y a des règles du jeu qu'on suit, et ces règles du jeu qu'on suit, j'en ai apporté une ici, par exemple une vieille, ce qu'on appelle une clé d'identification. Alors c'est construit de façon dichotomique, vous avez sûrement déjà joué ou lu les livres dont vous êtes le héros. Vous savez, vous arrivez à des pages, et puis vous avez le choix entre plusieurs possibilités. Donc en général, soit c'est la vie, la mort, ce genre de choses. Ici, ça va être, vous allez pouvoir choisir entre une famille de plantes et une autre famille, mais c'est basé sur les caractères. Donc soit la fleur va avoir des pétales soudés, soit la fleur va avoir des pétales libres, soit ça va être de telle couleur ou de telle autre. Et comme ça, vous empruntez des voies et à la fin, vous avez un résultat. Et si tout se passe bien, vous avez réussi votre quête, c'est-à-dire identifier votre plante et ce que vous avez devant vous, c'est bien le nom que vous avez à la fin. Donc en fait, c'est un jeu. C'est un jeu, mais alors c'est un jeu dont vous êtes le héros. Et c'est sûrement en partie cet aspect ludique qui m'a amené à la botanique et à l'identification des plantes. Alors l'aspect ludique, on va rebondir dessus ensuite, à mon avis, quand on va parler plantes et jeux vidéo ou jeux, hein, mais surtout jeux vidéo, c'est aussi l'aspect graphique des plantes qui m'a intéressé, l'aspect artistique et tout peut-être tout l'aspect mythologique, émotionnel que les plantes transportent avec elles. Et donc ça, c'est des choses qu'on retrouve dans la littérature, enfin que j'ai commencé au début à trouver dans la littérature. Alors ça passe par Shakespeare, par exemple. Bon, désolé, je cite un peu du gros loup. Ça va passer par d'autres auteurs hein, qui mettent en scène les plantes. Je ne rentre pas dans le détail, donc des BD par exemple, différents types de BD. Ça va passer surtout dans mon cas par Tolkien, donc, qui a été un auteur qui m'a assez marqué quand j'avais une vingtaine d'années, surtout par ses descriptions et principalement par ses descriptions de la nature et tout particulièrement par ses descriptions de plantes. Voilà, on en reparlerait peut-être un peu ensuite. Voilà. Donc ouais, effectivement, les plantes, elles ont toujours eu un aspect un peu mystique. Là, je pense, je viens des métiers plutôt de l'histoire à la base. On le voit, il y a toujours des grands mythes autour des plantes, la mandragore, l'aconite, des noms de plantes comme ça qui tout de suite évoquent beaucoup de choses. Et moi, c'est la première idée que j'ai eue en fait quand j'ai commencé à évoquer le sujet. Je me suis dit, mais en fait, c'est tout un folklore ou une sorte d'imaginaire collectif autour de la plante qu'on trouve effectivement dans la littérature, mais que les jeux vidéo aussi s'en sont saisis en fait. Là, c'est plus sous les formes de RPG, la quête autour de la plante rare. Est-ce que tu vois un mode de représentation cohérent en fait dans les jeux vidéo pour toutes ces plantes un peu mystiques en fait, une sorte de pattern dans cette représentation? Alors je vais te faire une réponse de Normand, oui et non. En fait ça dépend tout simplement de, on pourrait dire, quelle ère du jeu vidéo tu parles. Parce qu'en fait, de tout simplement, la représentation des plantes est une sorte de fidélité par rapport à la représentation du monde végétal. Au niveau des jeux vidéo, elle est finalement arrivée assez tard. Alors, je ne sais pas si c'est commun si, de toute l'histoire, mais si on remonte dans les années 70, par exemple, donc au début, on va se retrouver avec des plantes qui sont très peu représentées au final, ou alors sans détail. Je crois que j'ai noté un jeu, par exemple, qui s'appelle Gunfight de 75 chez Atari. Donc là, on est sur du jeu de tir, oui, c'est ça. On a la représentation de cactus. C'est probablement une des premières représentations de plantes dans les jeux vidéo. Donc on a deux gens qui se tirent dessus et un cactus. En fait, au début, les plantes ne sont pas représentées comme des êtres vivants. C'est clairement des objets inanimés. Et en plus d'être des objets inanimés, elles n'ont pas leurs caractéristiques de plantes d'un certain côté. Donc elles sont complètement hors contexte en général. Donc au début, en effet, il n'y a pas de représentation homogène, il n'y a pas de représentation mythologique ou en tout cas avec une âme. C'est vraiment l'objet inanimé. Alors pourquoi ? Bah, d'abord parce que si on pense à ce qu'on représente au début quand on fait des jeux vidéo, on va représenter les choses qui nous sont les plus proches, hein, comme d'habitude, donc sûrement des êtres humains ou alors des objets façonnés par l'homme, et ensuite des animaux, évidemment les plantes, comme toujours dans l'histoire des sciences ou des représentations, c'est quelque chose qui arrive un peu en dernier. Pourquoi ? Parce que, comme tu le disais, les plantes, c'est l'étrange en général. Les botanistes, on peut se considérer comme ça, on étudie l'étranger. Le totalement étranger. Pour nous, les plantes, ça nous paraît quelque chose, soit un objet inanimé et mort, soit ça peut nous paraître vivant, mais justement, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop, on est un peu entre les deux. Et en réalité, on est bien dans du vivant, mais du vivant qui est radicalement différent et qui n'a rien à voir par rapport au monde animal. En deux secondes, je ne vais pas être trop long là-dessus, mais c'est quand même intéressant. Donc, vous avez sûrement entendu parler de l'intelligence des plantes ou des arbres, etc. C'est vraiment des âneries, ce genre de choses. C'est-à-dire que les plantes, et tout le monde le sait, n'ont pas de système nerveux. Donc, déjà, ça les place dans quelque chose de complètement différent. Les plantes ne sont même pas pluricellulaires. On peut considérer, en fait, toutes les plantes terrestres sont pluricellulaires, mais en fait, on peut considérer que c'est des tuyaux géants avec une cellule unique divisée en plein de petites parties. Même pour les arbres qui font 40 mètres de haut. Elles communiquent par hormones gazeuses. Donc des choses qui n'ont rien à voir avec le monde animal. C'est inconnu complètement dans le monde animal. Évidemment, elles font de la photosynthèse et sont plus ou moins immobiles, en tout cas à notre échelle. Et donc, on arrive devant un monde qui nous est d'une étrangeté totale. C'est pas pour rien que c'est beaucoup des botanistes qui ont fait des découvertes assez fantastiques au niveau biologique. C'est parce qu'ils ont étudié un monde qui était très radicalement différent du nôtre. Et donc, c'est évident que les gens qui ont conçu les jeux au début ont un peu oublié les plantes, alors qu'elles représentent, en deux mots, 95% de la biodiversité, de la biomasse, pardon, je vais dire une bêtise, 95% de la biomasse, c'est quand même, ou voire 99% plutôt, c'est quand même énorme, la biomasse terrestre, j'entends, et que les plantes terrestres représentent 450 000 espèces. Donc, c'est quand même sacrément. Voilà, c'est quand même sacrément gigantesque. Alors, je ne vais pas dire que c'est plus que les animaux. Hein. Un petit rappel, les insectes, c'est au bas mot une dizaine de millions d'espèces. Donc, c'est beaucoup plus. Toujours est-il que c'est énorme. Et donc, au début, les concepteurs de jeux vidéo ne se sont pas embêtés. Des aplats verts, en général, des arbres qui sont répétés à l'infini, qui ont la même forme. Voilà. Ensuite, il y a eu toute une évolution. Donc ça, c'était les jeux de plateforme, notamment. Donc pendant toutes les années 80, donc, on est passé par Mario Bros. Où là, on a commencé à avoir une animation des plantes. Donc, tout le monde connaît les piranhas, les plantes piranhas, hein, donc de types variés. Mais encore une fois, on n'est pas vraiment devant une plante, on est devant un animal. Un animal avec des attributs de plante. Pourquoi ? Parce qu'il a, c'est un animal avec des dents, qui mange, qui est... une plante plutôt, mais encore une fois plutôt un animal, une plante avec des dents qui mange et qui est complètement hors contexte parce qu'elle sort de tuyaux. Les plantes, elles vont servir aussi de bonus à cette époque-là. Donc les plantes feu, par exemple, les fire plants qu'on a chez Mario et qui permettent à Mario de balancer des boules de feu. Il y a une petite diversité quand même qui arrive. Donc Mario Bros 3, par exemple, on commence à avoir une écologie différente. On va avoir des mondes avec des plantes qu'on va reconnaître plutôt de milieux tempérés, et c'est des mondes tempérés, et des mondes tropicaux désertiques, où là, on va commencer à avoir des cactus. On va voir, alors, ça se limite en général à cactus et palmiers, mais on commence à avoir une sorte d'écologie plus ou moins respectée. Donc ça arrive doucement. Et donc, du contexte. Et en fait, jusqu'à cette époque-là, il n'y a pas vraiment... Alors, c'est vraiment le tout début, justement, de l'installation d'une âme au monde végétal. C'est vraiment parce que là, il y a des arbres qui commencent à avoir des sourires, notamment chez Mario, avec et à danser un peu avec des yeux. Et puis, c'est ensuite que va commencer... Alors, je suis désolé, j'ai été long pour introduire tout ça, mais je pense que c'est important. C'est ensuite que va commencer justement cette anthropomorphisation du monde végétal. C'est-à-dire que l'augmentation, mais là, c'est quoi qui évidemment pousse à ça ? C'est l'augmentation des capacités graphiques et du processeur, tout simplement. Avant, on concentrait tout le processeur sur les êtres humains, les animaux, etc. Les plantes, c'était le décor. Là, au fur et à mesure, on commence à s'intéresser à cet aspect. Alors, soit on augmente la qualité du décor, c'est le cas dans Donkey Kong Country, par exemple, parce que là... c'est luxuriant, la végétation. Donc là, je parle de jeux de plateforme. Donc, si vous avez joué à Donkey Kong Country, vous reconnaîtrez les monstera en arrière-plan, les bananiers, les palmiers, différents types de lianes. Donc là, les plantes, en plus, c'est des supports directs. Mais hors contexte un peu, puisqu'on récolte des bananes qui flottent au milieu de nulle part, quoi. Donc ça, c'est pour les jeux de plateforme. Mais en fait, ce qui va vraiment révolutionner plutôt la vision du végétal, ça, à mon avis, c'est plutôt ce qui est jeu RPG, justement, dont on parlait, et les jeux d'aventure. Donc, en particulier, moi, je pensais à Zelda et je pensais à Secret of Mana. Donc, je ne sais pas si vous y avez joué. Donc, Secret of Mana, c'est vraiment à cette époque-là. Donc, je crois que c'est la fin des années 80, si je ne dis pas de bêtises. Bon, peu importe. Mais 93, je dis une bêtise. 1993, donc on est vraiment dans du récent. Et Secret of Mana, si vous voyez l'affiche un jour de Secret of Mana, vous avez deux, trois petits personnages devant une forêt, en fait. Mais la 95% de l'image, c'est de la forêt, en fait. Et c'est de la forêt tropicale diversifiée. Il y a un ficus gigantesque avec des racines géantes. Vous avez un ravenal de Madagascar. Vous avez plein... Tout est tropical, en fait. Donc, en fait, c'est une ode à la nature et aux plantes. Et c'est ça qui est étonnant, en fait. Hein, c'est que c'est radicalement différent d'avant, où les plantes étaient absentes, en général, de toute représentation directe. Bon, évidemment, on pense à Zelda. Pas le premier, plutôt, où là, les plantes, en général, sont là pour marquer des donjons. Alors, un peu marquer la géographie de l'endroit, mais c'est plutôt une géographie par rapport aux ennemis et tout. C'est surtout dans le deuxième, donc celui sur Super NES, A Link to the Past, où là, on va avoir des arbres qui vont être bien présentés, on va pouvoir les reconnaître pour certains. Donc, par exemple, il y a deux versions de la carte. Il y a une version claire et une version sombre. Et dans la version claire, vous avez des marguerites. Et dans la version sombre, vous avez des espèces qui vont avoir plutôt un côté sombre, un aspect sombre, un aspect étrange. Donc, par exemple, les arbres, ils vont avoir une bouche, ils vont avoir des yeux, ils vont être un peu terrifiants. Les herbacées, les petites herbes, elles vont ressembler un peu, alors on va y revenir, à des solanums, le solanum dulcamara, la douce amère, qui est une espèce très toxique, en fait, avec une couleur, alors c'est une... Pour être plus précis, c'est une composée qui ressemble à qui a les couleurs d'une douce amère. Donc, c'est-à-dire, grosso modo, une pâquerette qui a les couleurs d'une douce amère. Et c'est-à-dire jaune au centre et violet sur le bord. Et ça, tout de suite, parce que si on connaît un peu les plantes, ça choque tout de suite. On sait, ah, ça, c'est une plante probablement toxique. Et ça, c'est dans le côté sombre. Donc, il commence à y avoir une association, justement, entre le... le jeu lui-même, et ce que veut dire le jeu dans le bien, le mal, etc., et les plantes elles-mêmes. Enfin bon, là on arrive vraiment à ce qui est le plus important dans ta question au final, j'en arrive là, c'est à l'anthropomorphisation totale après ça. Donc dans mon idée, c'est qu'il y a deux voies après, il y a soit l'anthropomorphisation, donc les plantes qui acquièrent une sorte de statut humain, soit plutôt la voie qui est plutôt scientifique finalement. On y viendra ensuite, je pense. Mais la voie anthropomorphique, c'est ce qu'on va avoir, par exemple, dans Zelda, mais alors dans Zelda, cette fois plutôt dans le Zelda d'après, Ocarina of Time, où là, on a des plantes qui bougent, on a les plantes qui attaquent, on a les plantes mythologiques, donc l'arbre Mojo, en fait, c'est un protecteur gardien, c'est une sorte de dieu, en fait. Ensuite, dans divers jeux de RPG. Donc là, je parle beaucoup, hein, mais si vous voulez, je peux m'arrêter. Dans divers jeux de RPG. Alors, juste pour revenir pour Zelda, ce qui est intéressant à partir de ce moment où il y a anthropomorphisation, c'est qu'il y a quasiment, à mon avis, une sorte de végétal qui devient humain. C'est vraiment clair. Pourquoi ? Donc, vous reprenez Zelda, Ocarina of Time. y a trois peuples, trois environnements et grosso modo trois dieux. Donc d'un côté, vous avez un environnement à queue, hein, avec les Zora. J'ai oublié le chef Zora, mais peu importe. D'un autre côté, vous avez les Gorons. Alors là, c'est l'environnement de l'eau, hein, donc c'est l'élément eau. L'élément feu et terre avec les Gorons, hein, et puis plus ou moins les dieux et les demi-Gorons. Donc dieu et demi, de toute façon, dieu boss, hein, c'est quelque chose qui est très similaire. Et puis l'environnement, évidemment, forêt. Voilà. Alors les plantes, maintenant, ça devient un environnement, ça devient un peuple, les Kokiri. Ça devient aussi le dieu qui supporte tout ce monde végétal et qui est cet arbre. Et en fait, tout est confondu l'un dans l'autre. C'est pas très clair, en fait. C'est-à-dire, les Kokiri ne peuvent pas vivre sans leur dieu protecteur et sans la forêt. Et inversement, la forêt ne vit pas sans les Kokiri, etc. Et ça, c'est excessivement intéressant parce que c'est vraiment le végétal qui acquiert un statut quasiment comparable au reste. Alors, c'est marrant parce qu'en effet, c'est des jeux japonais, donc on peut penser à, bah, à l'apport de peut-être d'une sorte de philosophie mythologique japonaise, mais alors, ou un retour au monde grec avec les différents éléments constitutifs du monde, etc. Donc, c'est quand même sacrément intéressant. Et puis, si évidemment, donc plusieurs RPG qui vont reprendre cette idée ou. Alors, je pense à Xenoblade Chronicles. Alors là, je suis dans le très récent. Je fais un saut gigantesque. Je suis en 2010, je crois, pour ne pas dire de bêtises. Et donc, là, on est sur Wii. Xenoblade Chronicles, je ne rentre pas dans le détail. Toujours est-il que c'est un monde avec plusieurs peuples. Évidemment, on retrouve, comme assez souvent, un petit peuple. Les Nopons. Donc, c'est des petits êtres tout mignons qui vont être associés à la forêt. Qui vont être associés à tout ce qui est la magie naturelle. Et là, on a toutes les choses qui arrivent quand la création de cet univers végétal. En général, c'est des gentils. En général, évidemment, c'est des gens qui vont avoir, qui vont être associés aux plantes, aux bêtes qui vivent dans la forêt. C'est des gens qui sont non violents, qui sont mignons la plupart du temps, qui sont sages. Et très souvent, leur capitale, parce que c'est souvent le cas, c'est dans un arbre géant. Là, c'est le cas des Nopons, par exemple, dans Xenoblade Chronicles. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va trouver reporté un peu partout. Et surtout, dans les personnages vraiment qui symbolisent ce monde végétal, les elfes. Alors les elfes, ça vient de loin, hein, puisque ça vient d'avant Tolkien. Mais ça va être évidemment formalisé dans la façon dont ça a été repris par toute l'héroïque fantasy commerciale du XXe siècle. Ça a été formalisé par Tolkien, adapté avec autant de couleurs que tu veux, donc les elfes gris, noir, vert, jaune, etc. Et donc eux sont vraiment représentatifs de ce monde végétal, sachant qu'il y a eu un transfert ensuite, après justement la création de nomenclatures complètement délirantes, du monde végétal vers les elfes verts et sylvains. Et s'il y a bien des jeux qui ont présenté ça de façon commerciale et mondiale, c'est toute la série de Blizzard. Et là, on a évidemment toute une mythologie gigantesque créée à côté des elfes et du monde végétal. Alors, c'est le cas dans Warcraft 3. Donc, les bâtiments sont des bâtiments végétaux qui peuvent se bouger. Les unités sont des unités qui sont liées au monde végétal, alors, qui utilisent le végétal, de la magie végétale, comme les druides. Il y a même des ersatz d'Ent. Donc, les Ent, hein, ces créatures... humanoïde, arbre humanoïde de chez Tolkien, justement, qui là aussi, chez Tolkien, est justement cette ambiguïté entre le monde végétal et le monde humain, ou en tout cas animé. Et c'est très hante qu'on a, par exemple, dans Warcraft 3, qui vont bouger, etc. Et évidemment, World of Warcraft, je ne vais pas rentrer dans le détail ici, parce qu'on pourrait en parler des heures, mais si vous allez vous balader dans les forêts d'Ashenval, par exemple, Ashenval, c'est le nom ancien, c'est le nom à l'époque où je jouais. Et si vous allez vous balader dans les forêts d'Ashenval, donc tout est reconstitué pour créer justement un univers entièrement végétal, avec toute la mythologie derrière, donc d'arbres sacrés, certains arbres sont sacrés, des quêtes vont amener à récolter des plantes sacrées, des plantes particulières. Vous avez un arbre géant, alors je crois la même chose, là, j'oublie toujours les noms évidemment, mais je crois que c'est Teldrassil, qui est l'endroit mythique d'origine des elfes de la nuit, c'est ça, Teldrassil. Et donc vous avez vraiment une mythologie générale du végétal. Et ça, c'est une des voies à mon avis, hein, mon sens, dont les plantes sont prises dans le jeu vidéo, c'est vers une anthropomorphisation et une création mythologique qui permet de s'approprier ce monde végétal qui nous est autrement hyper inconnu. Donc on lui apporte des connaissances qu'on connaît, c'est-à-dire une structure hiérarchique, du mouvement, de la parole et des dieux, donc notre monde. Merci pour cette réponse très très complète. c'est pas tous les jours comme ça qu'on commence un podcast comme ça. Je reviens sur un. Alors là, pour le coup, c'est une question très simple et je pense que tu pourras répondre très rapidement pour le coup, parce que j'en ai une autre qui arrive derrière, qui va rejoindre cette idée d'anthropomorphisation. Tu as utilisé le mot écologie, qui je pense peut-être a une autre consonance dans la compréhension de nos auditeurs. Et est-ce que tu peux l'expliquer de ton point de vue de botaniste, parce que ça a sans doute un autre sens. En fait, oui et non. Encore une réponse de Normand. Justement, j'ai parlé d'une première voie qui était cette voie anthropomorphique. Et puis, il y a une autre voie qui est une voie prise par les jeux vidéo au fur et à mesure, beaucoup plus récente finalement, qui est une voie plutôt scientifique. Au final, si vous regardez l'écologie justement des plantes j'ai cité Mario's Bros 3, on va dire c'est le début du début, par exemple, où on a une sectorisation des plantes en fonction des milieux. Dans Zelda, surtout ensuite dans Secret of Mana, là clairement, on commence à avoir une écologie qui se met en place. Alors, c'est quoi l'écologie ? Excusez-moi. Pardon. C'est quoi l'écologie ? Donc, en fait, qu'est-ce que l'écologie ? Alors ça, c'est vrai, c'est une définition de base. C'est finalement les liens qui sont tissés entre les différents organismes d'un milieu. Voilà, on pourrait dire ça pour l'écologie, c'est très complexe de définir l'écologie. Mais les écologues s'intéressent justement à ces liens. À des liens qui peuvent se faire entre plantes et végétaux, mais finalement aussi entre le monde carboné, donc qui, comme nous, comme les plantes, comme les autres animaux, et puis le monde non carboné, donc tous les minéraux dans le sol. Voilà, les pierres, les cailloux. Donc ça, tout ça, c'est l'écologie. Et ces liens, en effet, dans les jeux vidéo, au début, sont pas très bien faits, peu faits. Donc ça, on est dans les années 80. Et puis quand on rentre de plein pied ensuite dans les années 90, dans les années 2000, avec l'augmentation toujours, hein, c'est aussi en partie ça, l'augmentation des caractéristiques, des capacités graphiques et de calcul. Là, on arrive devant une prise en compte assez rigolote de l'écologie. Alors, je vais peut-être pas rentrer dans le détail. Si, d'accord. On est sur Internet, on a le temps. D'accord, on a le temps. Évidemment, je pourrais citer plein de jeux, mais je vais m'arrêter à un seul jeu parce qu'il est tellement représentatif et tellement riche en fait d'analyse. C'est évidemment Skyrim. Il y en a d'autres hein, là-dessus qui sont assez forts. Donc il y a Red Dead Redemption, le 1 et le 2. Sachant que j'ai pas joué au 2, j'aurais du mal. Et il y a Witcher. Alors The Witcher auquel j'ai pas joué complètement. Alors on peut me dire, ah oui tiens, vous parlez pas de Baldur's Gate, tout ce genre de choses. Oui, mais alors ces RPG à l'époque, justement, l'écologie, on est dans les années, fin des années 90, elle est pas tellement développée. Certes, on va avoir des feuillus et des conifères, surtout, c'est ça qu'on observe. Oh, une alternance de feuillus et de conifères, qu'est-ce que c'est que les feuillus et les conifères ? Donc des arbres qui vont porter des feuilles développées et qui, grosso modo, font des fleurs et des fruits. Comme les chênes, comme les érables, etc. Alors peu importe si les feuilles tombent ou pas, c'est pas ça qui nous intéresse. Et les conifères, c'est tout ce qu'on connaît, pins, sapins, etc., qui font des cônes, qui font pas de fleurs, pas de fruits. Et les sapins se trouvent en général dans des milieux qui sont plus secs, dans des milieux plus d'altitude. Les feuillus vont se trouver dans des milieux qui sont plus de vallées et des milieux qui sont où il y a moins de variations de température, où il y a une humidité assez constante, en tout cas notoire et assez constante. Et donc, on va se retrouver dans Baldur's Gate, justement, à avoir des plaines qui sont plutôt des plaines de feuillus, sachant qu'il y a quand même quelques conifères qui se baladent, et des endroits rocailleux qui vont être plutôt dominés par les conifères. Donc ouais, il y a aussi un début d'écologie. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on va observer dans des jeux ensuite, comme par exemple Skyrim. Alors là, c'est complètement cinglé. D'un point de vue botaniste, c'est hyper intéressant. C'est au point où j'ai trouvé des blogs de botanistes qui parlaient de Skyrim. Sokolov, hein, qui est un collègue du Canada, par exemple, qui avait fait un petit blog sur la botanique dans Skyrim. Alors, il y a aussi une apparition d'une encyclopédie de Tamriel. Oui, je te passe le micro. Je crois qu'il y a même une carte détaillée où ils ont repéré et ciblé la totalité des espèces. Alors, c'est très possible. Je connais des cartes détaillées de Skyrim, où, bon, parce que, évidemment, comme tout un chacun, la plupart du temps, j'en ai marre de passer des heures à chercher quelque chose. Et donc, je vais regarder les cartes pour les objets. Je n'avais pas remarqué particulièrement qu'il y avait les plantes. Il y avait les minerais, par exemple, ça c'est bien pratique. Je n'avais pas remarqué les plantes. Mais en effet, tu fais bien de me le dire, j'ai regardé. De toute façon, il y a une encyclopédie en ligne Skyrim où pour chacune des espèces, on va dire dans quel milieu plutôt tu vas trouver. Parce que justement, là, les espèces sont inféodées au milieu. Il n'y a pas une espèce, deux espèces qui se battent en duel. Il y en a à peu près une vingtaine ou une trentaine. Alors, on est plus proche de la vingtaine pour les plantes dites à fleurs et à cônes. Et on va avoir une dizaine, quinzaine d'espèces de champignons, plutôt une vingtaine d'ailleurs. C'est assez diversifié les champignons. De façon marrante, ils ont diversifié les champignons. Attention, pour ceux qui se posent des questions, les champignons ne sont pas des plantes. Hein, donc, attention. Hein. Donc, je ne vais pas rentrer dans un cours de biologie maintenant. Sauf si vous le voulez. Donc, une vingtaine d'espèces de champignons, quelques lichens. Et alors, qu'est-ce que la révolution, on va dire, plutôt Bethesda, puisque c'est Bethesda qui fait ça, et que c'était déjà le cas dans Morrowind, que c'était déjà le cas dans Oblivion, mais que bon, le Skyrim, il faut avouer, c'est quand même pour l'instant le pinacle, c'est qu'en fait, les plantes sont représentées de façon fidèle, elles poussent dans un milieu vraisemblable, même par rapport à leurs caractéristiques botaniques qui sont connues, pour certaines qui existent dans la nature. Parce que bon, ensuite il y a des plantes complètement délirantes, mais il y a des trucs qui existent vraiment. Donc elles ont une morphologie crédible, elles sont dans un milieu crédible, et en plus, parfois, par rapport à leur morphologie, à ce qu'on connaît de ces plantes dans nos milieux à nous, elles ont une utilisation crédible. Donc on est vraiment dans quelque chose où forcément, alors je ne sais pas si c'est des botanistes, alors c'est là où j'ai cherché, je n'ai pas trouvé, il faudra que je fasse mes recherches là-dessus, c'est des botanistes, ils ont eu des consultants botanistes, ou en tout cas s'il y avait des personnes qui ont, dans le développement qui avaient une bonne formation d'écologue ou de botaniste, je pense qu'il y a des deux. À mon avis, vu le niveau où ils sont arrivés, mais on est clairement en présence d'un jeu qui prend, contrairement à l'anthropomorphisation, là on est dans un deuxième chose, on est à la plante dans son contexte écologique, dans son contexte morphologique, même dans son contexte d'utilisation, donc on est à la plante vraiment en tant qu'objet radicalement différent des animaux. Et même dans sa diversité, parce qu'au final c'est assez diversifié, hein. Je vous rappelle, les plantes c'est très diversifié. Donc là, c'est très intéressant parce qu'on est plutôt dans une vision scientifique, finalement, du monde végétal, crédible. Alors, c'est intelligent, hein, c'est ce que disait à peu près... Je reviens à Tolkien, tiens. C'est ce que disait Tolkien dans ses différents écrits, c'est que si on veut créer un monde qui intéresse, un monde mythologique qui intéresse, il faut qu'il soit crédible. Et donc, une part d'inventif, évidemment, c'est l'essentiel, mais aussi une part de réalité. Ou en tout cas, que cette réalité nous parle. Et là, clairement, la réalité nous parle. Alors, je peux détailler deux, trois petits exemples quand même qui sont rigolos. Donc, il y a une plante, par exemple, si vous jouez à Skyrim, une plante qui s'appelle la cosse. Donc, la cosse, c'est une plante qu'on va trouver en bord de mer, en général. Généralement, sur la côte nord, en fait, de bord de ciel, puisque Skyrim veut dire bord de ciel, donc je le dis en français maintenant. Sur la côte nord de bord de ciel, cette cosse, et quand on la regarde, eh ben, ça nous rappelle furieusement la massette. La massette, c'est une espèce, en fait, à typha, ça s'appelle en latin. Il y a plein d'espèces, peu importe, typha latifolia, je crois. Typha, qui est une espèce qu'on va trouver dans les marais, en bord de mer en général, et qui a la même morphologie. Donc là, on a quasiment un nom qui change, mais la même chose. On peut avoir un nom qui change et des choses semblables, mais pas complètement. Donc par exemple, dans Skyrim, vous aurez aussi le coton sauvage qui va pousser en altitude. Alors on se dirait du coton en altitude. Si on est un peu botaniste, on sait que le coton, c'est une plante qui pousse plutôt en milieu tropical. Donc elle n'a rien à faire en milieu d'altitude. Oui, sauf que ce coton sauvage, en fait, correspond à la linaigrette. Donc la linaigrette, c'est une herbe à coton qu'on trouve en montagne en général, dans les endroits plutôt humides, les marais, etc. Donc, a priori, leur coton sauvage, c'est de la linaigrette. Alors, pas complètement. Quand on regarde les feuilles du coton sauvage de Skyrim, on s'aperçoit que c'est plutôt des feuilles de ce qu'on appelle les eudicotylédones, c'est-à-dire Allez, 80. Ah non, j'allais dire une bêtise. 80% des plantes, des plantes à fleurs. Donc, la plupart des plantes sont des eudicotylédones. Donc, elles ont des caractéristiques, notamment d'avoir des feuilles qui sont de grande taille et où, la plupart du temps, pas toujours, mais en tout cas, qui ont des nervures très nervurées, en fait, avec plein de nervations qui ne sont pas parallèles les unes aux autres. Alors que les monocotylédones sont des espèces de type herbe, par exemple. Les herbes, les bananiers, les palmiers, etc., sont des monocotylédones avec des nervures des feuilles qui sont parallèles. Donc, ça appartient à grand groupe. Sauf que là, notre coton sauvage de Skyrim, quand on le regarde, il a des feuilles qui sont très nervurées de dicotylédone. Alors que la linaigrette, c'est une herbe en fait, donc une monocotylédone. Donc là, il y a à peu près la même chose, mais pas complètement. Alors, il y a d'autres exemples hein, qui sont toujours intéressants. Donc, il y a des plantes complètement inventées. Complètement inventé, donc je pensais par exemple. Alors, c'est jamais complètement inventé. Vous avez la nidroute. La nidroute, c'est la nirnoute. La nirnoute, pardon. Nirnoute. Alors, la nirnoute, en fait, quand on la regarde extérieurement comme ça, je vais repréciser parce qu'elle est quand même spéciale celle-là. Quand on la regarde extérieurement, elle a des feuilles très découpées qui sont typiques de feuilles d'astéracées, c'est-à-dire de feuilles de composées. En termes normaux, des feuilles qui rappellent les espèces de type pissenlit, en fait. Donc, il y a une rosette. Et même pour être plus précis, je pense qu'il s'agirait, si on devait l'identifier par rapport à une plante qu'on connaît, de picris, donc un genre d'astéracée. En plus, il y a une grosse racine pivotante, ce qui est typique des astéracées. Donc, on sait ce que c'est, en fait, quand on la regarde. C'est juste qu'évidemment, contrairement aux astéracées, elle va pousser là typiquement en milieu humide, on la trouve que là, et en plus, elle émet de la lumière et elle émet un son. C'est la célèbre plante dans Skyrim qui émet un son, qui émet de la lumière, et en plus, elle a une caractéristique spéciale, celle-là, c'est que par rapport à toutes les autres, il y a une mythologie gigantesque dans Skyrim qui a été créée autour. Il y a une quête spéciale pour aller la chercher. Il y a une missive entière qui fait quelques pages, je ne vais pas vous la lire, qui parle de la nidroute et d'ailleurs d'un botaniste qui fait des recherches sur la nidroute, qui est une espèce qui est probablement éteinte. Là, il y a toute une histoire justement qui est en voie d'extinction. Donc, il y a toute une histoire écologique d'ailleurs sur l'adaptation de la nidroute. Donc là, ils arrivent même jusqu'à des considérations évolutives dans ces missives-là. Hein. Donc, il y a vraiment eu du travail là-dessus. Alors, je ne sais pas pourquoi cette espèce, ils ont dû s'amuser. Et en plus, il y a cette émission de lumière et tout. Donc, on est là. C'est ça qui est marrant, c'est que dans Skyrim, à la fois, et c'est ça qui est bien fait, on est dans un truc scientifique et dans un truc mythologique, en fait. Donc, il y a une jonction des deux qui crée, à mon avis, en effet, un effet de d'immersion, en tout cas, ou d'acceptation de l'immersion dans ce monde végétal. Alors, je veux citer une dernière quand même. Bon, il y a les lys de montagne de Skyrim qui sont vraisemblablement des castilleja. Alors, c'est une plante du nord des États-Unis qu'on trouve en général en altitude, donc c'est pas des lys, mais peu importe. Vous avez du houx qui s'appelle la givreboise, mais ensuite c'est du houx. Hein. C'est du houx, mais ils lui ont donné un nom différent. Mais celle dont je veux parler, c'est l'obscurcine, parce qu'elle est quand même très marrante. Donc l'obscurcine, en anglais, c'est nightshade. Nightshade, c'est très connu, puisque c'est ce dont j'ai parlé déjà, d'ailleurs, tout à l'heure. C'est Solanum nigrum, le Solanum noir, la morelle noire s'appelle, ou Solanum dulcamara. Et obscurcine, ça a justement ce rapport, ça a été traduit en français comme ça, avec le fait que c'est une plante du noir, de l'obscur. Alors pourquoi ? Parce que c'est très connu que ces espèces sont des espèces très toxiques. C'est une espèce très toxique et utilisée d'ailleurs comme poison. Alors, utilisée aussi à des fins curatives, mais beaucoup plus comme poison. Ça, depuis très longtemps, par les sociétés humaines. Ça rentrait dans des mélanges sorcières, etc. Avec d'autres fleurs, d'autres plantes de la même famille, comme la belladone, comme la jusquiame, comme la mandragore, qui fait aussi partie de cette famille. Et donc, ce qui est marrant avec cette obscurcine, c'est que quand on la regarde, c'est un solanum. C'est Solanum dulcamara, je peux même vous le dire, c'est clair, c'est net, on le voit. Et qu'ils ont poussé le vice jusqu'à ce que l'espèce soit toxique et serve à faire des poisons. Et vous avez plusieurs missives, justement, ou des personnes dans Skyrim qui vous expliquent que l'obscurcine, oui, c'est une plante dont les gens se méfient, blablabla, il y a tout un discours derrière ça. Et en plus, à la trouver proche des cimetières. Donc, c'est-à-dire que cette espèce, on la trouve sur les cimetières, ou alors l'autre façon de la trouver, c'est d'aller regarder les cadavres de la confrérie, comment elle s'appelle déjà ? la confrérie noire, où une obscure scène est laissée en général comme carte de visite, en fait. Donc en fait, là, la plante est vraiment complètement mise dans son contexte. Donc un contexte biologique, un contexte littéraire même, un contexte mythologique, un contexte social. Enfin, il y a vraiment... c'est complètement cinglé. Donc non, c'est vraiment hyper intéressant parce que justement, cette histoire d'écologie, ça va pousser très loin. Ils sont allés, en tout cas les concepteurs de GEA, ils sont allés très loin sur l'écologie du végétal. Voilà. J'avais une autre question, mais bon... je vais pas la poser parce que c'est pas le moment et puis ça dériverait beaucoup trop du sujet. Non, c'est sur l'écologie, en fait, là, des jeux comme tu le dis, ça m'évoque aussi Minecraft. Voilà, les biomes de Minecraft qui ont en fait aussi reproduit ça. Alors, d'une manière peut-être plus minimaliste, parce que le jeu, de toute façon, graphiquement, est plus minimaliste. Non, je ne sais pas si on peut dire minimaliste, mais bon, il est plus carré, quoi, déjà. Mais il y a vraiment une cohérence, en fait, dans la création des biomes. Alors, je n'ai plus les chiffres en tête, mais je ne sais plus combien il y a de biomes différents qu'il peut y avoir. Donc, je crois qu'il y a 6 bases différentes, mais qui, toutes associées, font beaucoup, beaucoup plus. Mais bon, il y a les plaines au tournesol, les plaines des montagnes des fleurs. Il y a les marais, il y a... Je ne sais plus. Ça fait longtemps que je n'y ai pas joué, en plus. Mais il y a une vraie cohérence, en fait. C'est pas, on ne va pas trouver telle plante dans les marais. Pareil au niveau des arbres. Il y a eu un souci d'essayer de nommer les arbres avec du réel. Il y a les chênes, il y a les bouleaux. Dans le marais, c'est quoi les arbres rouges? C'est l'acacia, je crois. Bon, peu importe. Mais voilà, il y a aussi cette... Voilà, donc c'est si tu as des éléments aussi sur... comment dire? Une sorte de recherche de cohérence dans les écosystèmes, en fait. Je rebondir parce qu'en fait, c'est le cas de Minecraft est intéressant puisque effectivement il y a des systèmes de biomes qu'on retrouve dans Minecraft ou dans beaucoup de jeux de construction ou de survie. Puis avec des propriétés à chaque fois qui sont un peu. Donc voilà, je voulais juste rebondir sur l'effet de biome qu'on retrouve dans d'autres jeux. Je pense par exemple à Don't Starve, donc jeu de survie aléatoire. Et en plus, là, même si tu ne coupes pas les arbres, si tu survis très très longtemps, ça se transforme en roche. Et du coup, c'est comme ça que le biome se renouvelle. Je sais pas si c'est logique. Alors, en fait, ça tombe bien parce que justement, c'était ce vers quoi je voulais aller après. Donc, donc en effet, là dans Skyrim, en fait, c'est ce qui est dans les autres jeux type Red Dead Redemption et Witcher, ce qui est donné, c'est un panel d'environnement qui sont crédibles, justement parce que on va avoir les feuillus en bas, les conifères en haut, on va trouver telle plante sous telle altitude, dans tel type de milieu, donc ça correspond complètement et l'écologie est vachement bien faite. Les plantes sont utiles et utilisées aussi. Par contre, il y a quelque chose qui n'est pas pris en compte, c'est l'action forcément de l'humain sur l'environnement, ou en tout cas des gens qu'on incarne. Bon, ils enlèvent des plantes, mais les plantes repoussent toujours. Et c'est là où c'est intéressant Minecraft et puis tout ce que vous venez de citer. Alors moi j'avais surtout pensé à RimWorld, je ne sais pas s'il y a des gens ici qui ont joué à RimWorld, c'est sorti en 2018 là, la version, mais il y a eu plein de bêta avant, alors je vous conseille parce que là peut-être, à ma connaissance, c'est là où il y a la gestion des plantes qui est peut-être le plus psychopathique. Il y en a sûrement d'autres, hein, mais c'est juste que c'est peut-être un des plus connus. Et donc, là où Don't Starve et Minecraft sont des bons exemples, c'est que là, par contre, quelque chose d'autre advient, qui c'est peut-être une deuxième chose, c'est le côté gestion du végétal, ou en tout cas, écologie du végétal avec quelque chose de destructeur à l'intérieur, ou en tout cas qui va changer le végétal. C'est plus juste le végétal comme une image ou comme un tableau dans lequel on peut piocher. C'est aussi quelque chose qui va être évolutif au fur et à mesure, donc vraiment dans un environnement évolutif. Donc, alors pourquoi citer RimWorld? Alors pour ceux qui ne connaissaient pas RimWorld, donc c'est des planètes en fait, qui sont colonisées par un groupe de colons. Donc au début, quelques petits colons, et au final, ça augmente. Et là où c'est très intéressant, c'est qu'on forme une base, Et il y a tout qui va avec. Donc, c'est un peu Minecraft. Donc, on commence par faire une petite cabane, des portes, etc. Donc, ça augmente au fur et à mesure. Les possibilités augmentent. Et au début, ça ressemble petit, les possibilités. Mais au fur et à mesure, on s'aperçoit que c'est énorme. Et que derrière, en fait, tous les algorithmes qui gèrent tout sont très détaillés. Et c'est notamment le cas pour la gestion du végétal. Donc, on peut pas... Il y a plein d'arbres différents en sauvage. Donc, il y a plein d'arbres sauvages, déjà là. Il y a tout un bestiaire sauvage, évidemment. Et puis il y a tout un lot de plantes qu'on va pouvoir cultiver, à faire des champs et donc les cultiver. Déjà là, trois options. Soit on fait des champs en extérieur, soit on fait au fur et à mesure donc, de nos évolutions technologiques des serres, des sortes de serres, soit on fait de l'hydroponique. Donc il y aura ces trois possibilités qui ont toutes des côtés positifs et négatifs. Parce qu'évidemment, quand vous faites des serres, quand vous faites de l'hydroponique, il faut de l'énergie, des panneaux solaires, etc. Et en plus... les plantes ne vont pas être cultivées de la même façon. En fonction des milieux, les milieux vont avoir différents types de fertilité, en fait. Donc, si on plante la plante dans du sable, le fait qu'elle grandisse va dépendre de deux choses, de la plante elle-même. Donc, certaines vont être plus ou moins sensibles au milieu, et du milieu. Donc, le sable, ça va être très peu fertile, mais des plantes qui vont avoir pas de problème pour être plantées dans les milieux non fertiles vont pouvoir croître. Par contre, si vous plantez du maïs dans du sable, ça va pas pousser. Donc, il va falloir transformer le sol. Donc, il y a du terrassement aussi. Hein. Ou alors, passer en hydroponique. Si, par contre, vous passez en hydroponique, il va falloir penser à l'ensoleillement. Parce que l'ensoleillement aussi a quelque chose d'important dans le jeu. Donc, pendant 5 heures des heures du jeu, en fait, 5 heures des journées du jeu, les plantes ne vont pas croître parce qu'il n'y a pas de soleil en fait. Si vous avez une éclipse solaire, les plantes ne vont pas croître aussi. Donc il faut prendre en compte l'ensoleillement en fonction des saisons aussi. L'ensoleillement va changer en fonction des saisons. Troisième chose à prendre en compte, la température. En fonction de la température, les plantes vont croître différemment. Donc en fait, si vous allez sur le Wikipédia de ce jeu, RimWorld, vous aurez le droit à des équations. Des différents types d'équations qui calculent le growth rate intensity ou quelque chose comme ça en fonction de tous ces facteurs. Donc on arrive à quelque chose d'assez mathématique. Je ne rentre pas dans le détail aussi, je pourrais rentrer plus dans le détail parce qu'en fait, il va y avoir des effets aussi en fonction de... par exemple, si vous avez des arbres à côté de vos plantations, il faut mieux couper les arbres, ça fait de l'ombre en fait, donc vos plantes vont moins croître. Et vous allez avoir différentes... en fonction des espèces, vous allez avoir... un temps différent pour arriver à maturité, donc pour récolter. Et en plus de ça, chacune des espèces, évidemment, va donner des caractéristiques différentes. Voilà, alors il y a plein d'autres choses, en fait, que je vais oublier. Mais tous les facteurs, c'est impressionnant, la liste de facteurs. Mais en fait, il faut penser à tout. Et on arrive vraiment à quelque chose qui est complètement... plus ou moins en tout cas, avec les capacités actuelles de calcul, le développement des jeux qui commence à être cohérent du point de vue de la gestion de la diversité, parce que je n'ai pas parlé aussi du fait que si vous coupez tous les arbres sur la zone, c'est fini. Là aussi, par contre, si vous brûlez les plantes, vous allez obtenir du charbon. Donc, c'est un peu comme les histoires dans Minecraft. Sauf que là, c'est vraiment poussé jusqu'à une réflexion, en fait. On arrive vraiment dans une sorte d'écosystème, alors parfois un peu circulaire, comme ça, donc ça peut marcher sur des années et des années. À part si on a justement des catastrophes, des éruptions volcaniques, des invasions de personnes extérieures et tout. Mais ça, c'est une autre partie des jeux qui vraiment explore l'idée, comme ça arrive sur des jeux de plateau, de gestion du monde végétal pour gérer une société, en général, une société humaine hein, la plupart du temps. Mais donc voilà, là on est dans l'environnement, dans l'écologie totale. Bon, là, on n'est plus tellement intéressé par la vraisemblance de la plante elle-même, par sa mythologie, ses caractéristiques. Le maïs, c'est juste pour manger, quoi, grosso modo. Donc, ensuite, on peut mettre quelques petites plantes pour décorer. Mais c'est vrai que dans ce genre de jeu, on va perdre aussi cet aspect anthropomorphisation des plantes, en fait. Hein. C'est vraiment devenu l'outil de l'humain. Quoi. Donc, c'est intéressant. Hein. J'ai toujours ma question qui n'a rien à voir, mais c'est effectivement intéressant de voir l'évolution l'utilisation, la représentation de la plante et du vivant. Mais enfin, ce qui est dingue dans le cactus site, ouais, c'est la diversité et le tableau mathématique. Ce qui me fait dire, les schémas mathématiques qui ont été représentés donc dans RimWorld, est-ce que ce sont des choses qui sont comme ça dans la vraie vie? Je profite d'avoir un expert sous la main, donc voilà. Alors, c'est une très bonne question, auquel je ne peux pas pouvoir répondre. Si, à mon avis, par la négative, en fait. Donc, certainement pas, c'est une représentation schématique. Mais c'est, à mon avis, une représentation schématique sacrément bonne. Alors, il y en a d'autres qui sont peut-être mieux, et notamment peut-être, mais je ne suis pas un spécialiste, parce que je ne suis pas écologue. Donc, je ne suis pas physiologiste, c'est-à-dire que je ne m'intéresse pas à la physiologie, comment ça marche la plante, les hormones, comment ça croît et tout. Et je ne m'intéresse pas non plus trop à leur écologie. Moi, je suis vraiment dans leur diversité et j'ai une connaissance limitée dans ce domaine-là. Donc, je ne sais pas s'il existe, par exemple, énormément de modèles qui permettent de prédire l'évolution d'une plante ou d'un végétal qu'on met en terre, énormément de modèles mathématiques, scientifiques complexes, qui prennent en compte en effet toutes ces caractéristiques. Pourquoi ? Parce que évidemment, le jeu de caractéristiques que j'ai donné, donc là la température, le fait s'il soit fertile ou pas, l'ensoleillement, c'est sûrement ce qui est à la base, mais c'est très très très très peu. Donc il y a évidemment toutes les interactions du milieu extérieur dans la réalité, donc les pathogènes, les insectes ravageurs, les plantes elles-mêmes à côté, parce que vous avez de la compétition entre plantes. Donc un modèle qui prend en compte, dans la réalité, ça m'étonnerait que des écologues soient amusés à produire ça parce qu'on leur aurait ri au nez, grosso modo. Mais parce que justement, c'est un modèle qui serait trop peu vraisemblable pour être utilisé. Alors là, on reste dans un jeu, donc dans quelque chose qui représente la réalité. C'est juste que ça le représente quand même avec les choses de base. Parce qu'en effet, ce qui est à la base pour faire croître les plantes, ça va être de l'ensoleillement. Pour reprendre d'ailleurs le cas de la nirnoute, c'est intéressant parce que cette plante croît dans les cavernes. Et dans la missive, en fait, un des scientifiques ou pseudo-scientifiques se pose la question, mais pourquoi ça croît dans les cavernes? Il n'y a pas de lumière. Donc il y a même une réflexion derrière parfois dans les jeux là-dessus. Et donc là, ça prend en compte dans RimWorld la température, l'ensoleillement, la fertilité plus ou moins du sol. Certes, c'est des caractéristiques fondamentales. Donc ça peut être crédible d'un certain côté au niveau représentation schématique que le vidéoludique. Ensuite, dans la recherche scientifique, ça fait en général trop peu. Voilà, à mon point de vue. Ensuite, j'aurais peut-être des écologues qui seraient moins différents, qui auraient un avis différent. Mais parce que dans la recherche scientifique, on va quand même essayer de représenter la réalité, certes de façon schématique, mais quand même avec une précision qui permet de prédire quelque chose, de faire des hypothèses, de assez solide. Et là, c'est sûr qu'avec aussi peu de facteurs qui sont présentés ici, les hypothèses ne sont pas solides du tout. Par contre, c'est hyper intéressant d'un point de vue jeu, hein, clairement. Du coup, le fait de rajouter tous ces éléments là de cohérence, d'un côté, ça améliore l'expérience de jeu parce que ça améliore la crédibilité. Mais je me dis, c'est aussi d'un point de vue de développement de jeu, ça aide le développement parce que en fait, avec tout ce qui est, alors j'ai plus le terme exact, machin procédural, génération procédurale. Pourtant, j'ai fait un épisode dessus, mais j'arrive pas à garder l'expression en tête. Donc voilà, ça permet de dire, alors s'il y a telle caractéristique, alors on va popper telle espèce de plante et tout ça. Et en fait, les deux se nourrissent. C'est que d'un côté, le fait est que ça améliore l'immersion des joueurs, donc on va essayer d'être plus crédible et donc plus proche de la réalité ou de quelque chose qui est possible. Mais d'un autre côté, en fait, ça facilite le développement. En fait, la recherche de crédibilité va faciliter le développement parce que justement, en utilisant toutes ces règles-là, on va pouvoir automatiser aussi une partie de la création du jeu. Parce que bien sûr, dans Skyrim ou dans Zelda, il n'y a pas une personne qui... Alors en fait, si, en fait, dans Zelda, ils sont sortis du procédural, ça là, le pire. Mais dans Skyrim, il n'y a pas quelqu'un qui s'est amusé à positionner toutes les plantes. Mais du coup, c'est peut-être du côté, je me dis, des graphic designers où en fait, il y a eu peut-être un gros boulot pour rester crédible, en fait, pour approfondir l'immersion. Oui, en effet, je pense que c'est bénéfique à tout le monde. Parce que quand on a plus de crédibilité du monde, c'est bénéfique pour les auteurs du monde, donc les développeurs et les graphistes, et c'est bénéfique pour les gens qui reçoivent le monde. Alors, d'un point de vue récréatif, là, je vais insister au-dessus, pour ceux qui reçoivent le monde, mais aussi, et ça c'est très important à mon avis, d'un point de vue formateur. Et ça, c'est, donc en tant qu'enseignant, c'est quelque chose qui me touche. Les jeux vidéo, pour moi, ça a aussi été beaucoup une source de culture. Alors, je vais pas passer sur la série des civilisations. Mais justement, plus le monde est crédible, plus aussi on a un intérêt à ce qu'on cultive. Donc, par exemple, là, le maïs, etc. À s'intéresser. Mais alors, pourquoi, quand je cultive mon maïs là dans ma base, bah, finalement, ça marche pas si bien? Bah, c'est parce qu'en fait, il a un taux de susceptibilité ou plutôt d'adaptabilité par rapport au sol qui est faible. Donc, il lui faut un super sol pour qu'il croisse. Alors que lui, ça va être plus simple, etc. Donc, ça amène à s'intéresser éventuellement à ça, à se poser des questions et donc à mieux connaître. Ah, bah, c'est comme ça que ça marche, les plantes, en fait. Ah, mais oui, il faut aussi que je prenne là en compte l'ensoleillement. Là, par exemple, je ne savais pas. J'ai fait pas mal de bases dans... Même chose, hein, ça, j'ai jamais été très bon à ça. Mais j'ai toujours été pas très productif. Mais j'ai des amis qui avaient des tonnes d'hydroponiques partout. Ouais. Et donc j'avais fait pas mal de bases dans RimWorld. Mais je m'étais jamais rendu compte qu'en effet, il fallait mieux couper les arbres autour quand on faisait le champ parce que ça faisait de l'ombre. Donc c'est comme ça des choses au fur et à mesure qu'on apprend. Et c'est vraiment tout le processus de l'apprenant, comme on dirait, quoi, de l'étudiant. Quoi. Donc c'est super chouette. Évidemment, dans Skyrim, c'est l'amour des plantes, l'envie de connaître les plantes, etc. Ça c'est clair. Et du coup, en tant que prof, est-ce que ça t'est déjà venu à l'idée de, je sais pas, proposer une balade botanique à tes élèves dans un jeu vidéo ? C'est une super idée. Non, ça m'est pas encore venu, mais comme idée, mais je pense qu'en effet, je pourrais imaginer ça. Ça m'est déjà venu l'idée de faire une présentation sur la vision des plantes, que ce soit dans les jeux vidéo, dans l'art, dans la littérature, etc. Ça m'est déjà venu. Une balade botanique dans les jeux vidéo, c'est une super idée. Une super idée. Non, surtout qu'en plus, donc, j'en profite pour faire de la pub, j'ai déjà fait des jeux pour les étudiants. Donc, j'enseigne à des licences pro en paysagisme. Et on avait fait un MOOC. Enfin, j'ai participé à un MOOC avec un MOOC, Massive Open Online Open Course. Massive Online Open Course ou l'inverse, Massive Open Course. Non, Massive Online Open Course. Et donc un cours en ligne, grosso modo. Et c'est un cours sur les plantes, ce qu'on appelle les plantes folles, donc les herbes folles, donc les mauvaises herbes, entre guillemets, qu'on trouve dans les champs. Et les licences pro, paysagistes, bon, ben, j'avais envie de leur faire quelque chose de particulier, et donc comme retour en fait sur ce MOOC. Et l'idée, c'est que ce TD ou TP, je l'ai transformé en fait en une sorte de jeu de rôle, jeu de plateau. Où ils avaient à disposition donc, des plateaux qui représentaient des environnements différents. Donc, par exemple, je ne sais pas, ça pouvait être une cour d'école, c'était un parc public, il y en avait un autre, j'avais mis un joli château avec le relais de chasse. Quoi. Donc, chacun de ces plateaux, chacun de ces environnements avait des caractéristiques différentes. Et il y avait des plantes sauvages, donc des cartes plantes sauvages. Donc j'avais fait des cartes pour plein de plantes différentes, toute une série de plantes sauvages qui étaient sur ces plateaux et toute une série de plantes horticoles. Et donc ces licences pro devaient justement penser l'écologie du milieu. Donc quelles sont les plantes sauvages qui sont ici? Qu'est-ce que ça veut dire sur mon milieu? Est-ce que c'est un milieu plutôt humide? Est-ce que c'est un milieu plutôt argileux, avec plutôt du sable, etc.? Est-ce qu'il y a, par hasard, il y a des métaux toxiques à l'intérieur? Est-ce que certaines de ces espèces en fait sont invasives? Et donc il faudra peut-être que j'en enlève certaines de ces espèces sauvages. En plus, sur ces plateaux, donc il y avait des pions qui étaient caractérisés un peu le milieu justement. Il y avait un cahier des charges en plus. C'est-à-dire, ah bah oui, dans ce milieu-là, on veut garder les plantes sauvages. Là, c'est une cour d'école. Il vaut mieux éviter les plantes qui sont allergènes, ce genre de choses. Et ils avaient toute une série, un panel de plantes horticoles en plus, qui devaient poser justement sur ces plateaux. Alors, éventuellement, enlever ces espèces sauvages, ces cartes espèces sauvages, et ensuite, devant les autres, défendre leur aménagement du territoire, quoi, ou du milieu. Et donc oui, évidemment, moi je pense que l'enseignement par le jeu, ça c'est donc que ce soit là par exemple pour montrer la diversité végétale, l'utilisation du végétal dans des jeux vidéo, donc par rapport à ce qui se fait dans notre monde, ou alors faire des types de jeux de rôle, puisque au final c'est ça, hein, Skyrim et c'est du jeu de rôle. Donc faire des types de jeux de rôle, du jeu de rôle guidé, faire des types de jeux de rôle avec des étudiants, je pense que c'est hyper formateur. Donc ouais, c'est clair que là-dessus, pour l'enseignement de la botanique, alors il n'y a pas que les jeux vidéo, mais les jeux en général, qu'ils soient de jeux vidéo, jeux de société, jeux de construction aussi, on en a plusieurs, avec faire des modèles de fleurs, etc. C'est des trucs qui peuvent sacrément aider, en fait. Tu as parlé donc d'une visée pédagogique, enfin d'une utilisation du jeu à une visée pédagogique, pour parler de botanique. Et en fait, j'ai envie de te poser la question, si toi, dans ton expérience de joueur ou de botaniste, évidemment, tu as vu une vision parfois politique de l'utilisation de la botanique dans des jeux. J'explique un peu mon propos. L'utilisation politique de la botanique dans le jeu vidéo. Je m'explique. En fait, par exemple, tout à l'heure, tu citais donc tes amis qui, à Rimworld, construisaient d'énormes fermes de plantations hydroponiques. Et je me suis dit, tiens, ça pourrait être un modèle pour penser un peu un monde... Maintenant, c'est la mode de parler de monde post-effondrement climatique, crack pétrolier. Donc, je me suis demandé, voilà, est-ce que toi, dans ton expérience de joueur, tu as vu, là, il y a un discours qui est une sorte de totalitarisme de la botanique. J'en sais rien, je sais pas du tout s'il y a des courants politiques dans la botanique, non, mais bon, ce sera intéressant de voir ça. Oui, je pense, mais il faut le chercher. Déjà, la botanique dans les jeux vidéo, elle est politique. C'est le cas dans Civilization, par exemple. C'est typique. Donc, puisque tu vas acquérir dans Civilization un certain nombre, donc Civilization sur PC, j'imagine que la plupart des gens connaissent. Donc, tu vas utiliser une série de dogmes. Alors, ça dépend des civilisations, mais on va parler du dernier. Où c'est des cartes en fait qui vont décider plus ou moins de tes bonus en politique. Et c'est clair qu'il faut mieux avoir ces cartes-là si tu veux faire cette politique. Et il y a des politiques qui vont maximiser l'agriculture, par exemple, et l'utilisation du végétal. Donc dans certains jeux, en effet, le végétal, il porte quelque chose de politique. Alors là, je parlais de civilisation. Ensuite... tu veux dire dans la vie courante ensuite aussi, si ça peut... Alors dans la vie courante, c'est sûr, les plantes, c'est politique. Ça, c'est d'une... Mais depuis le début, en fait. Mais de toute façon, les plantes ont créé la politique, si on veut dire les choses de façon un peu punchline. Pourquoi ? Je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais ça aussi, ça va devenir... Ça va dire un gimmick, ça. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais l'agriculture, ça a commencé il y a 10 000 ans, à peu près 12 000 ans. Et la politique a aussi commencé à peu près il y a 12 000 ans. Alors on peut penser que les populations de chasseurs-cueilleurs, ensuite il y avait des politiques, c'est-à-dire qu'on s'associait à telle population de chasseurs-cueilleurs, etc. On peut aussi penser que le territoire était tellement grand, il y avait tellement de possibilités et tellement peu d'hommes, en fait, que de toute façon, il n'y avait pas raison d'avoir beaucoup de politiques entre populations de chasseurs-cueilleurs. Par contre, quand vous commencez à avoir des hommes qui sont sédentarisés, qui forment des villes, où il va y avoir un certain nombre d'une administration, quoi, il va y commencer à y avoir des guerres entre les différents États, etc. Donc de la politique et cette sédentarisation l'augmentation drastique des populations, je vais passer les guerres, les pestes, etc. Et la bureaucratie, tout ça, ça a été permis. Par l'agriculture. Alors, pas l'agriculture, l'élevage, et donc par l'accaparement des plantes par l'homme. Alors, l'accaparement de l'homme par les plantes aussi, parce que c'est dans les deux sens, en fait. Les plantes, les plantes qui ont été domestiquées ont particulièrement bien réussi, du point de vue des plantes. Le blé a fantastiquement réussi, du point de vue du blé, évidemment. Il est partout. Donc, oui, et puis l'homme a changé en fait. Hein, justement, à force d'avoir mangé des céréales, l'homme s'est adapté à manger des céréales et est différent de l'homme chasseur-cueilleur qui ne mangeait pas de céréales. Physiologiquement, il s'est adapté. Donc oui, les plantes ont modelé l'histoire humaine, l'histoire politique humaine. Donc, le Muséum d'histoire naturelle de Londres, que tu aimes bien, je crois, Fanny. Y a peu de plantes dans les collections. Par contre, si tu rentres dans le muséum de Londres, tu verras au-dessus une voûte coffrée en fait, avec des casiers en coffrage. Et sur chacun de ces coffrages, tu as une plante qui est dessinée. Et pas n'importe quelle plante. Celles qui sont là, c'est les plantes politiques. C'est les plantes de l'Empire britannique en fait. Ça va être du cacao, ça va être du thé, ça va être... Donc c'est les plantes qui montrent que l'Empire britannique a de la richesse végétale. Et cette richesse végétale, elle est essentielle. Je ne vais pas repartir sur l'histoire des plantes dans les sociétés humaines, mais le chocolat chez les Aztèques, c'était que les empereurs et les prêtres qui pouvaient toucher le chocolat. Le bas peuple n'avait pas le droit, en fait. Donc les plantes, après avoir été domestiquées par l'homme, elles ont été accaparées par une classe de la société pour certaines des plantes. Et ensuite, ces plantes-là ont été une richesse, donc que ce soit le chocolat, le thé, etc., une richesse notamment pour les pays européens qui ont utilisé leurs colonies pour leurs colonies et leurs esclaves pour les cultiver. Donc en fait, dès qu'on parle de plantes, et là je suis en train de le faire, on parle de politique. Donc en effet, que ça transparaisse dans les jeux vidéo, un peu dans Civilisation, même si c'est pas le plus important dans Civilisation, la botanique c'est vraiment annexe. Mais par contre, on a justement cette idée qu'il y a toute une série de technologies qui vont être pour une partie, jusqu'à très longtemps d'ailleurs, dans Civilisation, ça va jusqu'à très loin, associé au végétal et à la production de ressources. Voilà. Je continue sur mon idée de vision politique de la botanique. J'en ai aucune idée, mais je ne sais pas s'il y a des courants dans la botanique, comme il y a des courants en sociologie, des courants, je ne sais pas moi, en psychologie ou autre. Et du coup, je me demandais si ces différents courants se transparaissaient dans les jeux. Alors, c'est une question assez compliquée, j'imagine. Je pourrais te dire non, quand même, là, parce que c'est vraiment quelque chose... Là, les histoires de courants dans la botanique, qui sont des courants de... En fait, je pourrais te dire non, pas complètement. Qui sont des courants de nerds, justement, des courants de geeks. Donc, ça va être sur comment on classe ces espèces, quel nom on leur donne, comment on les regroupe, etc. Alors, pourquoi je ne peux pas te dire non complètement aussi? C'est parce qu'on voit qu'il y a quand même des évolutions, notamment au niveau de la représentation. Je pense que avant, clairement, on considérait les plantes et les champignons ou les lichens, les algues, enfin les plantes terrestres, les lichens, les champignons, les algues comme la même chose. Et j'ai l'impression que ça change. Donc la preuve, ce que j'ai dit pour la Nirnout, revoilà notre Nirnout, elle est vraiment super intéressante, qui pousse dans les cavernes, et il y a toute cette histoire, mais ça fait de la photosynthèse, normalement ça n'a pas à pousser dans les cavernes. Ce qui pousse dans les cavernes, c'est uniquement les champignons et les mousses. Bon, là, ils disent une connerie, puisque les mousses, ça a besoin de photosynthèse, ça pousse en milieu aérien devant la lumière. Mais il y a cette histoire que plantes et champignons, c'est différent. Et ça, c'est quelque chose qui, au final, date pour les botanistes du 18e, 19e siècle, etc. Alors, ça transparaît dans les jeux, alors qu'avant, les jeux plutôt des années 70, plantes, champignons, c'était du pareil au même. Donc, à la rigueur, ce genre de choses. Donc, je ne dis pas que les jeux des années 70, ils avaient c'était une pensée moyenâgeuse des plantes, mais bon, on n'était pas loin, finalement. Et par contre, ensuite, d'un point de vue utilisation des plantes, ce que tu disais, par exemple, dans Civilisation, c'est clair, les plantes, elles sont vues comme pour mener ta civilisation à la gloire, de grosso modo, à écraser toutes les autres. Hein. Civilisation, c'est quand même assez... assez violent à la fin. Ensuite, justement, est-ce qu'il y aurait une vision des plantes pour optimiser une vision où on va optimiser la production des plantes pour faire du moins de mal à la planète, à notre environnement, aux autres plantes, aux autres hommes, etc. À ma connaissance, j'ai pas tellement l'impression. Voilà. Non. Peut-être, éventuellement. Il n'y a pas de jeu, à ma connaissance, où justement on dit, ah ben non, faut pas utiliser du Roundup, faut mieux utiliser de la lutte biologique ou genre de choses. Pourquoi pas? Mais bon, à ma connaissance, ça ne me dit rien. Donc oui, il y a peut-être des courants comme ça dans la botanique qui peuvent être présentés. C'est quand même quelque chose d'assez assez perché. Non, je pensais par exemple à des jeux comme SimCity où tu dois gérer un peu la pollution. Alors c'est plus pour les habitants en fait, où tu dois gérer la pollution des sols, etc. Ouais. Après, dans les Sims, c'est les plantes. Si, tu as eu un moment où tu avais les plantes. C'était quoi avec. Alors, j'ai un vague souvenir. À part créer des personnages, j'ai pas fait grand-chose dans les Sims. Et j'ai regardé les parties des autres en fait. Si, il y avait un des Sims où tu pouvais créer des plantes vaches. Non, c'était un peu la même chose que dans Mario et les plantes piranha. Hein. C'était une plante piranha, mais version vache. C'était très bizarre. Alors oui, peut-être d'un point de vue scientifique, où on peut penser, j'en ai pas parlé un peu, à sport. Je sais pas si vous avez joué à sport. On n'a pas parlé de sport. Je voulais en parler, mais j'ai pas regardé, en fait. Mais bon, sport, même chose, c'est l'anthropomorphisation, parce qu'on va se retrouver avec des bébêtes qui bougent et qui sont photosynthétiques. Enfin, c'est étrange, quoi. On s'amuse au niveau évolutif. Donc là, à la rigueur, dans sport, il y a de la science. Il y a clairement de la science. De la science, bon, rigolote, hein, il n'y a pas de débat sur... C'est un truc un peu grand-guignolesque. Mais on va avoir, justement... cette histoire de théorie scientifique un peu à l'intérieur. Clairement, en tout cas, non, les jeux vidéo sont pas, j'ai pas l'impression, on peut peut-être en discuter, sont pas complètement emparés, à part pour la physique, peut-être la physique, mais de problèmes scientifiques ou de controverses scientifiques majeures. La physique, éventuellement, parce qu'avec toutes les histoires de voyages stellaires, etc., y a, à mon avis, il y en a peut-être qui sont déjà allés sur toutes les histoires de controverses. Sur les controverses, là, c'est plus politique. Du coup, il y a quand même des jeux qui ont les dimensions un peu... alors, là, écologique, dans le sens plus politique du terme, de préservation, de faire attention à la nature. J'avais en tête Ori and the Blind Forest, où il y a vraiment tout ce discours que la nature s'étiole. Je ne sais plus en fait quelle est l'origine de cette catastrophe où l'arbre aux esprits, qui est l'arbre mère en fait, dont toutes les feuilles tombent et ainsi de suite. Et c'est vrai qu'il y a quand même le... Mais là, c'est peut-être dans la dimension, on va dire, c'est pas mystique, mais symbolique, en fait. Et du coup, ça revient à ce que tu disais au début. Et là, c'est les plantes sont un objet politique pour dire justement attention à l'effondrement possible, attention. Et il y a un côté presque animiste. Effectivement, il y a peut-être cette dimension politique. En effet, il y a ça. Dans Rayman aussi, je pense, il y a un truc. Bon, c'est un peu naïf, Rayman, mais il y a toute une histoire aussi sur protège ton environnement, un genre de choses. C'est bien les discours d'Ubisoft. Il y a aussi l'aspect inverse, justement. L'aspect atroce, où le monde végétal est réduit à quasiment rien. Tous les post-apos. Les post-apocalyptiques, Fallout, clairement, où là, il y a de moins en moins de végétal. C'est du végétal qui est, en général, celui qui est représenté, si je me souviens bien, j'ai pas beaucoup joué à Fallout, en fait. Pourtant, c'est des super jeux. Qui est du végétal pas beau, pas forcément très beau, du végétal pour consommer rapidement, parce que tout s'étiole, tout s'effondre. Et donc, il y a l'autre aspect, il y a vraiment l'aspect... de monde ou de structure sans végétaux aucun. Et donc ça, c'est aussi intéressant, ces jeux-là, justement, qui sont des jeux qui pourraient présenter du végétal, mais qui n'en montrent pas. Justement, alors il y a cette histoire politique quand même, Fallout, c'est peut-être un peu politique, qui montre que le monde sans végétal, c'est quand même un monde atroce. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Dans Fallout notamment, alors moi j'ai surtout joué à New Vegas, hein, je connais pas très très bien les autres, mais il me semble justement que ce sont des vraies plantes Ce sont, ils sont restés crédibles sur la zone géographique où c'est là en machin nous fait le Californie, ouais c'est ça Californie, où c'est censé se passer. Et alors, voilà, mais c'est vrai que c'est des sources de nourriture, mais et ça reste des plantes irradiées en plus dans, c'est ça. Et c'est souvent irradié, donc du coup il y a aussi effectivement cette dimension de la plante qui se meurt, mais qui montre que toute la société se meurt derrière. Tu voulais réagir? Pas particulièrement, parce qu'en fait le problème c'est que j'ai pas beaucoup joué à Fallout, juste pour dire qu'il y a encore un autre Solanum dans Fallout, donc, qui est vraisemblable d'ailleurs, hein, c'est dans le dernier, dans le New Vegas je crois. Je sais plus si c'est dans le New Vegas ou celui d'avant, il y avait Solanum Erianteum, qui est une espèce très commune en fait aux États-Unis, et donc qui est, alors je sais plus pourquoi c'est utilisé, mais donc oui en effet, mais ça c'est la tradition Bethesda où ils s'amusent justement à vouloir quelque chose de crédible, et donc je pense que c'est plus réussi avec Skyrim, enfin avec toute la série des Elder Scrolls que la série des Fallout, mais ah oui, il y a du débat, mais mais peut-être que ça me plaît moins aussi ces mondes post-apocalyptiques, justement parce qu'il n'y a pas de plantes et que ça m'énerve. mais oui, clairement en tout cas, encore une fois, la plante est politique et c'est quelque chose qui va transparaître parfois dans les jeux. Mais ça reste, en général, la politique de façon transparaît dans les jeux, mais c'est pas non plus, et j'ai pas l'impression que ça le soit, mais ça peut être discutable, le but même du jeu, et donc c'est pas quelque chose qui est complètement hyper important, quoi. Bon, là c'est débattable tout ça. J'ai une autre question, puisque donc c'était lors de la saison 3, on avait interrogé avec Célène, une prof de SVT dont le nom m'échappe et je m'en excuse, je suis vraiment désolé pour elle, qui nous racontait la vie d'un être vivant unicellulaire qu'on appelle généralement le blob, et qui est donc un être vivant unicellulaire qui est une sorte de moisissure globalement, hein, et qui arrive à résoudre des labyrinthes. Voilà, on met à bouffer un endroit, et il arrive à défaire le labyrinthe. Ce qui du coup peut amener à penser, même si on étire un peu le truc, à dire, ah tiens, on a un être vivant unicellulaire qui joue. Ce qui m'amène à la poser la question, est-ce que les plantes jouent, puisque c'est vrai que là, en tout cas du côté du grand public, alors je ne suis absolument pas du tout un expert, et peut-être que c'est une erreur du grand public, c'était le 50e épisode, voilà. Est-ce que les animaux jouent avec Eline? Et donc en fait, dans le grand public, on est en train de un peu découvrir ou redécouvrir une sorte d'intelligence des plantes. On se dit, ah tiens, les arbres peuvent communiquer entre eux, communiquer un état de stress. Il y a beaucoup de sans doute de tu vas pouvoir démêler le vrai du faux là-dedans. En tout cas, voilà, déblayer un peu tout ça. Est-ce que du coup les plantes jouent? Voilà, une question simple. Et si oui, comment? Et sinon, pourquoi? Selon toi. Pour moi, c'est une question très compliquée. Alors, est-ce que les animaux jouent? Oui. Clairement. Enfin, à mon avis. Et ça, c'est valable pour beaucoup d'animaux. Est-ce que tous les animaux jouent? Ça dépend de ce qu'on appelle animal. Pas forcément. Mais en tout cas, une partie. Une très grande partie. Mais ça, c'est mon avis. Est-ce que les plantes jouent? Ça dépend de ce qu'on appelle le jeu. S'il s'agit d'une interaction qui permet d'apprendre quelque chose pour sa survie, je pense que la meilleure réponse serait ça ne semble pas le cas à première vue, mais peut-être. Alors là où je vais être très, là où, pourquoi je suis aussi précautionneux, c'est parce que justement les plantes ne communiquent pas comme nous. Donc elles n'ont pas des moyens de communiquer par la voix. Elles, ce sont des hormones gazeuses qu'elles balancent dans l'air, qui en général vont être soit des signaux par rapport aux insectes, soit des signaux. Alors, pour les autres plantes, Alors souvent, on parle de ah oui, c'est là où encore une fois, c'est là où les problèmes d'intelligence me gênent beaucoup. C'est on pense à oui, alors la plante, elle a mis ça en place pour le bénéfice de l'ensemble des plantes de la forêt. C'est pas forcément vrai. C'est pour son bénéfice à elle potentiellement et en fait le fait que les autres bénéficient de cette information, c'est peut-être un message perdu, grosso modo perdu en route. C'est parce que évolutionnellement, on parle au niveau évolutif, il n'y a pas de raison de privilégier la survie du groupe. Ce qui se passe en général, c'est privilégier la survie de l'individu pour la survie. Ensuite, il y a des cas très particuliers chez les animaux. Hein, je ne vais pas rentrer dans le détail des abeilles ou ce genre de choses. Là, il y a vraiment des cas particuliers. Chez les végétaux, on est dans un monde qui n'a rien à voir. Donc, encore une fois, le groupe n'a rien à voir lui-même. C'est-à-dire qu'en plus, un arbre, vous prenez une forêt d'arbres devant vous, si ça se trouve, vous avez le clone, vous avez des milliers de clones. C'est la même chose, même matière génétique. Vous avez le grand-père qui se reproduit avec son arrière petite-fille. Oui. Donc, et qui ne se reproduit pas touche-touche, mais pas le moyen, évidemment, d'insectes. Donc, est-ce que les plantes jouent ? Non, pas comme nous. Clairement pas comme les animaux, ça n'a rien à voir. Donc, est-ce qu'elles apprennent des choses au fur et à mesure des générations ? Oui, par d'autres moyens, qui sont généralement des moyens génétiques, en fait, de transformation génétique, avec des plantes qui vont pousser sur d'autres. Il peut y avoir des transferts de matière génétique, donc une plante qui va acquérir des capacités, ce genre de choses, de façon d'ailleurs assez spontanée, c'est assez étonnant, ou qui va acquérir d'autres capacités liées à d'autres capacités. Encore une fois, capacité, c'est un mot que j'aime pas. Donc d'autres caractéristiques, parce que capacité, c'est comme s'il y avait un rôle. D'autres caractéristiques liées à des phénomènes environnementaux. Mais est-ce que c'est ça du jeu ? Je suis pas sûr. En tout cas, c'est pas du jeu animal. Il n'y a pas d'interaction entre individus là-dedans. Il y a d'interaction macroscopique intime. C'est plutôt du transfert, en fait. Pour illustrer un peu ma question et peut-être faire dire oui, je ne sais pas, on va voir. Par rapport à la notion de jeu, là, je pensais à l'idée d'acte qui n'a absolument aucun intérêt. C'est Kaiwa donc, qui définit le jeu sous différents critères, et un des critères, c'est qu'on ne tire aucun bénéfice du jeu. Voilà, c'est qu'à la fin du jeu, voilà, on revient à l'état initial. Voilà, personne n'a vraiment gagné ou perdu quoi que ce soit. T'as pas perdu de jambe parce que t'as joué à Skyrim ou etc. Il y a ça. Et pour illustrer le propos, je vais prendre un exemple que prend un anthropologue que j'aime beaucoup qui s'appelle David Graeber et qui prend l'exemple de tiens, est-ce que une écrevisse quand elle avec sa petite patte elle pousse un caillou, ça ne sert strictement rien. Est-ce qu'elle joue ? Et il pose cette question-là. Après, il dit plein de choses. Et du coup, je me demandais, bah, est-ce qu'il y a des arbres qui font des choses qui ne servent à rien ? Bah, tiens, si je faisais, je ne sais pas moi, si je perdais une feuille pour le LOL, je ne sais pas. Alors, même chose. Là aussi, du mal à répondre, on touche à la philo. Le mot servir me gêne en biologie en général, puisque les choses le service, ou que ça serve à quelque chose, c'est typiquement humain. Parce qu'il y a la pensée que ça sert, en fait. La plante, elle ne pense pas du tout que ça sert, elle ne pense pas, et en fait, elle grandit. Elle grandit, elle utilise tout l'espace pour grandir, autant qu'elle peut, et autant que son matériel génétique lui permet, je pense. Je ne suis pas une plante, donc c'est ma vision des plantes. Je doute du fait qu'elle puisse faire quelque chose qui, d'une certaine façon, de notre point de vue, lui serve à rien, mais peut-être que c'est pas le cas, puisque j'ai cette impression, mais elle est peut-être fausse, que si on considère le jeu comme quelque chose qui ne sert à rien, dans ce cas-là, il faut avoir au moins un tout petit peu conscience de ce qu'on est en train de faire, ça ne sert à rien. Mais je ne suis pas sûr et certain. Donc, dans le cas, par exemple, de beaucoup d'animaux, en effet, la conscience de ça ne sert à rien, je pense, peut être développée, il n'y a pas de problème. Peut-être pas pour une moule, par exemple. Je ne pense pas qu'elle ait conscience de que ce qu'elle fait serve ou ne serve à rien, en fait. Et c'est certainement pas une plante qui a une conscience, comme on pourrait l'entendre, ou qui a une conscience tout court, En tout cas, tel qu'on l'a défini nous, les, pour les humains et pour une partie des animaux. Oublions pas, oui, je dis toujours une partie des animaux parce que la conscience d'insectes ou la conscience de mollusques, je parle de certains types de mollusques ou de certains types de moules, par exemple, c'est quand même assez... C'est attiré par les cheveux. C'est un peu pareil pour les plantes, c'est encore plus différent pour les plantes. Il n'y a pas de système nerveux. J'ai du mal à croire qu'une plante joue. En tout cas, certainement pas comme nous. Voilà. Donc là, moi, en tout cas, et Adrien aussi, on arrive à court des questions. Donc, il nous en reste une, qui est la question... Alors, non, je te laisse. Je vois que tu veux dire quelque chose avant qu'on conclue. Vas-y. Alors, juste... Alors, je sais que ce n'est pas directement du jeu, mais en fait, c'est lié à tout ce que je vous ai raconté, parce que arriver aux plantes, ça peut être par le jeu, ça peut être par plein de choses, par plein de biais, la littérature notamment. Et on parlait aussi de la conception d'un monde qui est complètement crédible. Donc, à ce titre-là, je vous conseille un très bon livre qui s'appelle « La flore de la terre du milieu ». Alors ça, je vous traduis le titre parce qu'il est disponible qu'en anglais. C'est « Flora of Middle-Earth » et c'est de Tolkien. Enfin, pas non. La flore est plus ou moins de Tolkien. C'est de Judd and Judd, qui sont deux botanistes. Alors non, un botaniste, je vais y arriver, et un autre qui est un dessinateur, et qui ont décidé en fait d'aller jusqu'au bout du pari de Tolkien, et donc de créer en fait des descriptions de fleurs, des illustrations de fleurs, des distributions de fleurs sur la terre du milieu qui est crédible, donc qui est crédible, qui est documenté avec toute l'étymologie, avec les moments où sont citées les plantes. Donc vous avez des citations à l'intérieur qui sont très précises. Les dessins qui sont assez magnifiques. Et donc, comme c'est la botanique, les Tolkien, pardon, qui m'a sûrement amené un peu vers la botanique, je pense que c'est une bonne idée de conclure sur ce livre qui est vraiment assez fantastique. Si vous aimez la botanique et si vous aimez Tolkien, courez dessus, hein, c'est sûr. Voilà, je te repasse la parole. Merci beaucoup. Puis étant une grosse fan de Tolkien, je suis... Ah oui, c'est les presses d'Oxford qui publient le bouquin. Mais comme je dis, je suis une grosse fan de Tolkien, donc si on peut faire des coups de pub pour Tolkien, c'est toujours cool. Enfin, de pub, je ne sais même pas si on en est à la pub. Mais du coup, il nous reste une question, parce qu'on prend en traître tous nos invités en posant la même question à chacun d'eux sans les prévenir. Et donc, la question de cette saison, c'est peux-tu raconter ta première expérience de jeu marquante, c'est ça ? Je me suis plantée la dernière fois. Non, c'est ça. C'est bon. En fait, la première dont je me souviens, peut-être dans ce cas-là, elle va être simple. C'est comme mon avis pour pas mal de gens. Qui m'a plus fortement marqué, en fait, parce que j'en ai beaucoup. C'est sûrement quand à Noël, je m'emmerdais en famille et que j'ai pu... donc j'avais toujours les consoles après les autres. Donc c'est là que j'ai eu la NES au moment où la Super NES sortait. Donc c'était ma première console, la NES, parce que moi je suis plutôt jeune par rapport aux gens plus âgés qui nous écoutent. J'ai eu la NES au moment où la Super NES sortait, la 64... Enfin, la Super NES au moment où la 64 sortait, et finalement, j'ai eu la 64 très tard. Je crois que c'était au moment où, un peu après que Zelda sorte, Ocarina of Time. Et donc, j'ai pu fuir la famille, me mettre dans une pièce, lancer Ocarina of Time, et là, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc bizarre? Et ça a été fantastique, ça a été merveilleux ensuite. Passer des heures merveilleuses, quoi. Et voilà. Peut-être une deuxième qui m'a énormément marqué. Non, juste une. C'est peut-être un retour dans les forêts d'Ashenvale, justement, dans World of Warcraft. Peut-être 2 ou 3 ans après avoir passé peut-être 7 mois de vie à jouer à World of Warcraft. Et très bizarrement, c'est peut-être la première avec Zelda et unique fois où j'ai vécu ce moment de nostalgie très bizarre, qui est normalement un moment qu'on vit dans IRL, in real life, et certainement pas dans les jeux vidéo. Donc c'est ça, c'est sûrement ça. Bah écoute, merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode de Ludologie. Avant de se retrouver dans 15 jours, je vais laisser la parole à Adrien pour qu'il vous rappelle un peu nos projets du moment. Et oui, parce que bah, on en a parlé en début d'émission, mais peut-être que vous avez oublié, parce que après tout, il y a une bonne heure qui est passée. Donc, si vous souhaitez soutenir le podcast d'une manière ou d'une autre, vous pouvez donc nous aider à tout simplement acheter du matériel, des micros, des câbles, un enregistreur, que sais-je. En tout cas, c'est la priorité, ce truc-là. Et puis après, on a plein d'autres idées pour comment dire, contribuer à continuer l'udologie et à aider d'autres personnes qui souhaiteraient produire et diffuser du podcast de vulgarisation. Pour ça, justement, on a créé une association qui s'appelle Studio Dilettante et que donc, vous pouvez soutenir. Donc, si vous pouvez soutenir du coup l'udologie via cette association en contribuant donc au financement participatif, le Tipeee. Donc vous allez sur tipeee.com/studio-dilettante et voilà, vous pouvez nous donner chaque mois 1 euro, 2 euros, peu importe, le prix d'un café pour nous aider à continuer l'udologie dans de bonnes conditions et produire d'autres podcasts qui, on l'espère, vous intéresseront. Nous, en tout cas, dans l'udologie, on se retrouve dans 15 jours. On parlera toujours de jeux de manière transversale, jeux de rôle, jeux vidéo, jeux de société. Et en attendant, continuez à jouer tant qu'on a encore le droit et tant qu'on n'est pas encore des plantes ou je sais pas. Voilà. À dans 15 jours.